Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Vous écoutez Fadjet, il est exactement 21h. Et on démarre la 26e heure de direct. Fadjet a 40 ans. Un anniversaire à partager. Il est revenu même le samedi soir à 21h. Il était là tout à l'heure avec nous. J'étais avec vous tout à l'heure à 19h avec notre ambiance, une autre salle. Et ce soir, nous ne sommes pas tout seuls. On a commencé avec A.A. T'es comme me en plein cœur des années 85. Souvenez-vous, il y a plus de 40 ans. Ça tombe bien, c'est les 40 ans de la radio. Franchement, cet animateur, il travaille d'or pair pour l'émission. Et ce soir, je ne suis pas tout seul, mais comme chaque émission, qui dit émission, qui dit générique, bien sûr. Aïe! Ah, c'est beau. Allez, 21h05, vous êtes en direct sur Fadjet 94.2. C'est la 26e heure de marathon de 40 heures. On est en direct sur 94.2, sur Fadjet.net, sur le DAB+, même sur Fadjet Facebook en direct sur Radio Fadjet officiel. On peut nous voir, la petite mimousse. Et oui, que ce soir, je ne suis pas tout seul. Eh ben non, parce que ce soir, allez, on va commencer par Modestie, ma chère étante qui est toujours là chaque mercredi, mais là, on est samedi. Bonsoir, ma chère Alexandre. Bonsoir. Ça fait bizarre de voir un samedi soir, hein. D'habitude. Oui, c'est vrai, ça fait bizarre de faire nous ce samedi soir. D'habitude, on regarde la télé, mais là, on est à la Fadjet, c'est bien, ça change. C'est dîner aux chandelles, mais même oui, pas. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, pas. Bah oui. J'ai foulé la chandelle. Allez, ça commence. Attends, pour la lumière, ça fait la chandelle. Ouais, c'est ça. Mais en plus, alors attendez, je calme sur quelqu'un, je fais du technique. Hein, quand on me demande plein de choses dans l'oreillette, on parle dans le... Ah, c'est vraiment 40 heures, c'est une folie, hein. Allez, c'est parti. Donc ce soir également, on n'est pas tout seul parce que également, nous avons Papa Noël, le tonton Pascal qui est avec nous. Bonsoir Pascal, comment ça va? Bonsoir, ça va très très bien, il n'y a pas de souci, je suis bien. T'es bien installé? Je suis bien installé. Ah, t'es bien installé? Une merveille. Content de t'avoir. C'est moi qui suis content d'être ici. Voilà. Toi qui écoutes l'émission régulièrement, tu écoutes Fadjet depuis longtemps, tu connais Fadjet depuis longtemps. Oh là là, j'ai connu la première émission en 80. Ah oui, 5, puisque tu nous as fait peur. Parce que il y a un blanc. Peut-être une version. À l'époque, j'avais 30 ans. Ah oui, tu as tout une raison. Voilà, c'était tout au début que les radios ont commencé. Oui, 85. T'as le temps, tu peux respirer, Pascal. Donc t'as raison. Je peux respirer. 85, voilà, c'est mieux. Et à celui qui ne respire pas, qui n'arrête pas depuis des mois, un grand artiste qu'on avait déjà reçu à multiples et qui a fêté d'ailleurs ses 10 ans, pas ses 40 ans, mais on lui souhaitera fêter ses 40 ans bientôt. Ça ça passe vite. Notre cher Antoine a chuté. Ouais. Comment c'est, mon cher Antoine? Ça va? Ça nous sort en direct. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Ça va super. Merci. Je suis ravi d'être là. Merci. Bah, nous de même. Bah, ça fait du bien. Bah, voilà. Et puis bien. En plus, ça lui fait du bien parce qu'on lui dit on va inviter notre ami Antoine. Il va lui faire un petit live. On va passer les quelques titres de son album Acrostiche qui cartonne. Qui cartonne sous les réseaux. Faut le dire. Il faut vendre le mèche. Voilà. Ouais, il y a des morceaux qui ont bien marché en streaming. C'est ça, vrai, ouais. Ça. On l'écoutera, puis on les fera un petit live. Peut-être que vous êtes gentil, avant 22h, on aura peut-être un live de Antoine. Je sais pas, ça dépend de vous. Hein. Alors, vous pouvez réagir en direct, parce que j'ai les messages en direct sur Radio Fadjet. Mais bien sûr, vous pouvez réagir en direct sur Fadjet, Radio Fadjet officiel sur Facebook. On a la vidéo. Donc, on voit juste un bout de la tête de chérie, mais on voit bien le tonton. Voilà, là, on le voit mieux. On voit bien le tonton Pascal le qui est là. Le tonton n'est pas perdu, il est encore ici. Il est là, on s'en a acheté, puis l'animateur là, et tout va bien. Bien qu'elle est. Eh ben, oui. Règle ta caméra. Eh ben moi je suis pas réglé, c'est pour moi qui règle la technique. Chacun son truc. Alors avant de commencer l'émission, avant d'en parler d'Antoine et d'acheter par les tubes des 85, il y a un grand animateur qui est malheureusement pas avec nous ce soir, mais qui a officié des années 85, c'est Mitsu, un ancien animateur de radio, d'énergie, pardon, on bafouille, qui a sauté nous faire un petit coucou. Et j'avais fait l'émission, il avait enregistré quelques jours dans les conditions du direct. Il pouvait pas être là, malheureusement, parce qu'il est de la région parisienne, mais Mitsu, il nous écoute, tu sais qu'il va nous écouter parce qu'il a dit qu'il a liké. Et je vous explique, il nous écoute. Mitsu, là, voilà. Mitsu, qui est figé donc sur les 14-17 dans les Salut. Années 80 sur une radio nationale, effectivement, énergie, je ne le répéterai pas assez. Et bien ce soir, on va s'écouter l'interview. Souvenez-vous, Mitsu, c'était une voix d'ailleurs, vous avez pu l'entendre dans le top horaire de 21h, c'était exactement. Et bien Mitsu, c'est cadeau, c'est maintenant dans la musique d'antan spéciale 40 ans. Et bonsoir à tous, nous sommes toujours dans le cadre des 40 ans de la radio Fadjet. Ce soir, il est plus de 21h, je suis très heureux de recevoir. On l'avait déjà reçu, on l'a reçu à la radio par voie téléphonique et il avait souhaité refaire un petit coucou pour le cadre d'anniversaire à notre ami Mitsu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un ancien animateur d'une grande radio nationale qui effigie donc les après-midi du 14-17. Bonsoir Mitsu, comment ça va? Ça va très très très très bien. T'es en très, forme très, très bien. Ah, et puis c'était fier, hein, donc toi en fait les 40 ans de la radio, ça t'est obligé qu'on fasse passer un message de la part de Mitsu. Joyeux anniversaire, alors 40 ans c'est rien, c'était hier 40 ans. Ah c'est ça, ça nous rajeunit pas, mais c'est j'ai fait, comme tu dis c'est hier effectivement. Exactement. Ah, c'est bon, ah, là, ça va me faire plaisir. Ça, c'est le petit voix du Mitsu. Alors, pour ceux qui écoutaient, les amis, le 14-17, c'est le vrai Mitsu. Hein, c'est pas une copie, voilà, c'est le vrai de vrai. Il était d'ailleurs, tu m'avais dit à l'époque que tu étais là, tu connais très bien la région Lorraine, parce que tu étais en Moselle, je crois, ou en. Je suis né en Alsace et j'ai habité en Alsace et puis ensuite en Lorraine. Et voilà. Et là, maintenant, tu es sur Paris. Exactement. Alors ça serait bien que je dis ça en aparté, parce que moi je suis souvent pour raison professionnelle sur Paris. Ça serait bien qu'un coup on puisse se rencontrer en vrai. J'aimerais bien t'appuyer. Il n'y a aucun souci. Si tu passes par là, il n'y a pas de problème. Tu réserves un grand restaurant relativement cher, très cher. Oui, voilà. On va te rejoindre. Voilà, c'est sûr. Je te remercie, Mitsu. Le message est passé. Voilà, donc en tout cas, donc 85, la radio Fadjet a commencé. Et en 85, bah, déjà, tu étais à la radio, je pense, ou la radio locale, enfin la radio nationale, pendant qu'on citait. Et il y avait des groupes que tu aimais bien, notamment il y avait Elfaville, il y a plein, à cette époque-là, je pense que tu en connais plus que moi, certainement, dans cette région. Donc il y avait des groupes que tu aimais bien. Oui, ben nous, des groupes, tu dis Des musiques que tu passais bien à l'époque, que tu aimais bien. Oui, il y a pas mal de choses que j'aimais bien, malgré que moi j'étais de la génération 70, mais bon, la radio où j'ai travaillé, c'est arrivé après. Mais bon, il y a plein de trucs que j'aimais bien, oui, mais genre, en général, ce que je passais, j'aimais bien. Bon, je suis pas forcément fan de chaque chanson qu'on passait, mais il y a des trucs que oui, j'aimais bien. Bon, Earth, Wind & Fire, tout ça, bien sûr. Ah, ben voilà. Ce qui était funk, la pure funk, j'aimais beaucoup, bien sûr. Il y a même des titres français, des chansons françaises. Hein. Oui, qui passait bien à l'époque, oui, bah, c'est comme les amateurs, bah, comme nous, des fois on a envie de passer des titres bah, qui fonctionnent bien, mais qui ne nous plaisent pas forcément, nous personnellement, bah, on a le droit d'avoir. Mais à l'antenne. Mais dans l'ensemble, c'était très sympa parce que c'était quand même une époque très très riche en musique. Et d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, les années 80, c'est toujours au top. Alors, c'est la décennie. C'est des mélodies, on peut danser dessus en même temps. Voilà. Oui, puis c'est vrai que les années 80, c'est un des blocs, comme tu disais, ça plaît tout le temps. Alors c'est vrai que les jeunes qui n'ont pas connu les années 80, malheureusement, bah, c'est notre époque, mais moi je danse encore sur les années 80, en partenaire particulier. Goldman, les gens passent et ça fonctionnait très très bien. Exactement. Comment? Je dis exactement. Exactement. Exactement. Voilà. Et c'est bien parce que ce soir, il faut dire que pour donner un peu l'ambiance, toi malheureusement tu n'es pas pu venir, bon, pour comprendre les raisons parisiennes, il y a plein mal de monde, il y a une centaine de personnes parce que le studio est ouvert, visite à tout le monde. Et déjà dans le studio, il y a déjà une dizaine de personnes, il y a du public derrière. Et en plus, il y a à boire, à manger, alors c'est la fête quoi. Exactement, c'est la fête, et 40 ans, 40 ans. Vous êtes où exactement, de quelle ville? Alors moi, comme j'ai dit, on a Nancy, donc 47 rue Charles Droit, Nancy, donc une belle ville. Oui, je connais bien Nancy, la place Stanislas, bien sûr. Et oui, on pense qu'en plus on s'est loupé de peu. Et puis il y avait vraiment beaucoup de musiciens, je ne sais pas aujourd'hui encore, mais à l'époque à Nancy, il y avait beaucoup de musiciens, des très bons musiciens. Oui, parce que c'est quand même une ville universitaire, hein, je crois. Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. Et ouais, je disais, connais Nancy. Il y a quelques semaines, on s'est loupé de peu. J'avais une petite copine là-bas dans une école un jour que j'allais voir. Ah ben on l'a retrouvée, on l'a retrouvée, Mitsu, elle est avec nous, elle m'a dit que c'était bien. Non, je blague naturellement. Mais en tout cas, non, mais en plus, c'est vrai qu'on s'est loupé de peu parce que il y a quelques semaines, bon, soit mon émission, normalement, c'est le mercredi de 19h à 20h, mais là seulement c'est le samedi 21h-22h pour les cas des 40 ans. Et c'était passé, je crois, le mardi à Nancy, pour raison X, Y, et dit, on s'est loupé de peu parce que leur émission aurait été faite le mardi, et ben ça se trouve, t'aurais pu venir nous voir à la radio faire un petit coucou, mais c'était mal le bol, c'était le mardi, ouais, pas le mercredi. C'est vrai, Non, mais c'est pas grave, c'est parce que ce n'est que partie remise. Mais bien sûr, on aura bien l'occasion de se voir en vrai. Non, je tiens, dans l'année, j'aimerais bien qu'on, après, en fonction du temps de chacun, c'est pas évident, ça serait bien parce que ça, moi, j'ai toujours été fan de tout ce que tu faisais, de toute l'équipe de l'époque de la radio qu'on passait à l'époque nationale, et donc, bah, c'était bien, c'est une autre époque qui n'est pas forcément le même cadre maintenant, c'est d'autres animateurs, d'autres vies. Oui, bien sûr, mais on change d'époque, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en direct, là, bon, nous les radios c'est toujours en direct, mais à l'époque c'était des copains. Quand on voit les photos qui circulent encore, vous étiez des potes à l'époque, vous découvriez, pas tous, mais découvriez le monde de la radio. Hop, tu passais les disques, vraiment les disques à l'époque, et après c'est devenu après mode numérique et ce qu'on connaît maintenant. Mais c'était vraiment ça, l'ère de la radio, et toi t'as découvert le découvert de la radio, je pense, dans une cuisine, je crois que j'avais entendu ça. Exactement, on était dans une petite kitchenette dans le 20e arrondissement, au 10e étage, dans un studio d'habitation de 20 mètres carrés. Ouais. Même pas, je crois que c'était même plus petit. On a démarré comme ça avec l'émetteur dans la baignoire et puis là, l'antenne sur le toit. Ouais, c'est ça, puis avec toute l'équipe. Donc, on va saluer. En 1981, j'ai démarré, moi, début juin. Début 80. Juin 80, ouais. Ouais, parce qu'en 85, tu étais en plein cœur du 14-17 à l'époque. Hein. Bon, après, tu avais toute l'équipe, t'as fait découvrir Serge Rep avec le disque à la demande d'ailleurs. Voilà, c'est lui qui m'a remplacé dans le disque à la demande. En fait, c'est moi, j'ai commencé la nuit de minuit jusqu'à 3h. Ouais. Et après, j'ai fait les disques à la demande à la place de Jean-Pierre D'Amico, qui était directeur d'antenne. Ouais. Et après, j'ai fait le 14-17. Et j'ai mis, pour faire l'après-midi, j'ai demandé à l'époque au directeur des programmes, qui était Max Guadini, de mettre Serge Rep, qui était mon ami. Et puis, ça s'est très bien passé. Bah, tu sais que pour la plus petite anecdote, Serge Rep, bon, je ne le connais pas, mais je l'apprécie, et j'ai écouté beaucoup ses émissions également. Le générique qui passait, donc c'est de Barry White avec le Love Time. Exactement. Et ben le Love Time, ça sert de générique pour la musique dans le temps, parce que toi, donc je pense à Serge Rep et à Marc Scalia avec le Star Match avec l'Oncle. C'est très gentil. Ah non, mais j'ai toujours la nostalgie de moi à l'époque là, vous avez bercé ma jeunesse, hein, je veux dire. Quel âge as-tu? 53. Bientôt. Ah bah tu es jeune. Ah c'est jeune, mais toi j'écoutais déjà à l'époque, votre époque. Hein. Je sais que toi t'es un plus âgé que moi, bon je vais pas donner ton âge pour respect, mais voilà. Mais il n'y a aucun, j'ai pas de soucis pour mon âge, j'ai 74 ans. Et tu veux dire, t'as le même âge que mon père. Mais c'est vrai, non, mais je dis ça avec respect. Et j'en parais 35. Eh bah toi, c'est bien. Mais t'as toujours la petite moustache, t'es pas. Alors bon. Passons au poste. Ça c'est autre chose. Non mais c'est vrai que bon, après c'est pas l'âge. Après le principal c'est d'avoir la santé. Bon après voilà, la santé c'est le principal. Alors après on a tous des dehors de santé. Bref, on va passer que du positif. En tout cas, Mitsu, je tenais déjà qu'à te remercier d'avoir passé un petit peu dans notre émission dans le 40 des 40 ans. Et pour te remercier, j'ai calé juste après notre interview Alphaville avec Forever Young. Je sais que tu aimais bien parce que tu étais fan entre autres, comme je disais tout à l'heure, des groupes de l'époque. Et je sais que tu aimais bien ce morceau là entre autres parce que je l'ai entendu dans une autre émission, je ne sais plus quel jour, parce que j'ai écouté un peu les anciennes podcasts à l'époque, qui passent des extraits, et il y avait le mot Alphaville. Oui, il y a même un jingle d'Alphaville qui dit Hello, it's Alphaville. C'est ça, puis ça fait des 14h, Hardy, 7h, Forever Young, qui a été repris par David Guetta il n'y a pas longtemps. Mais... Exactement, tout à fait, exactement, c'est ce que j'ai dit, effectivement. Donc ça marche bien. On y va alors? Alors on y va, attention, je cale, c'est parti. On cale Alphaville, c'est maintenant, attention, hop là. Ladies and gentlemen, Radio Tadjet, c'est le 40e anniversaire et voici pour Air Young Alphaville. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die. Say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the ça. À l'instant, Alphaville avec Forever Young, on remercie encore Mitsu. Hein. Franchement, c'était un honneur d'avoir Mitsu à l'ancien animateur d'énergie qui était là pour fêter avec tous les 40 ans. Parce que c'est vrai que c'est la 26e heure. Et qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? C'est pas n'importe quoi, n'importe qui. On fête les 40 ans de Fadjet. Et oui, c'est moi qui gère, c'est moi qui ai la technique, c'est moi. Hey! Fadjet, 4 décennies de voix qui rassemblent. Oui, on va. Ça, c'est Antoine Achelté est l'invité de Mike dans La musique dans le temps sur Fadjet. Ah oui, c'était bon, ça c'était de l'intro ça. Tu peux nous le refaire, Antoine? Bon. Bon anniversaire Fadjet. Ah c'est bon, c'est bon. Merci, ben, merci d'être là hein, les amis. Franchement, tonton ça va, t'es toujours bien escalé à 21h28. Oui, ben, bon anniversaire Fadjet. Bon anniversaire Fadjet. Bon anniversaire Fadjet. On a tous 40 ans aujourd'hui. Voilà. Alors je tiens à prévenir les auditeurs parce que ceux qui ont la partie vidéo qui regardent sur Radio Fadjet officielle, c'est la première fois qu'on voit vraiment nos freebies en direct. Et derrière il y a une table rouge. Beaucoup de personnes disent qu'est-ce que c'est. Alors la table rouge c'est rien, c'est pas Antoine qui va se coucher, ni tonton Pascal qui va dormir, il est pas fatigué encore. Ouais, oh, bah. Ni ma chérie non plus. C'est parce que après à 22h, il y a du mix, il y a Matt de DM qui va mixer en direct. Et normalement, si vous êtes sympa, mais vraiment si vous êtes sympa, peut-être que je ferai un pré-mix avant 22h, mais si vraiment vous êtes sympa. Je crois que c'est sauf qui peut. Et après, on ira boire un coup parce que je commence à avoir soif. Alors. Ça m'aurait étonné. Naturellement, on ne boira que de l'eau parce que le tonton, on boit que de l'eau pétillante. Que de l'eau. Voilà, que de l'eau. Alors, en tout cas, j'espère qu'Antoine, ça va, c'est tranquille. T'as passé de bonnes fêtes des fins d'année, faites tardivement pour qu'on se tenait une bonne année, une bonne santé. Oui, bon, allez, mais bon, ouais, on est passé. Oui, bonne année, bonne santé. Bah, oui, c'est important. La santé, c'est important. Bonne année. C'est important. L'année, ma foi, on verra bien. Oui, on va dire voir. Faut voir avec Monsieur Trump s'il ne veut pas bouger un peu. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en février, on dirait qu'il est 21-22. Alors, mon cher Antoine, j'étais contacté il y a quelques semaines. D'ailleurs, on a fait un teaser mercredi lors d'émission, qui était très sympa d'ailleurs. Oui, parce que Antoine sortait de la douche. Il a dit bon, tiens, je vais appeler le Mike. Ça tombe bien. Oh non, tu vas pas recommencer. N'importe quoi. Je finis ma phrase complète. J'ai appelé Antoine mercredi soir, donc il était aux environs 18h30 avant l'émission. Et effectivement, je lui ai demandé s'il voulait passer faire un teaser dans l'émission. Il m'a dit oui, mais je finis ma douche. Donc après, je l'ai rappelé après. C'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. Non, mais enfin, blague à part. C'est une histoire de douche. Oui. Voilà, on en reste là, s'il vous plaît. En tout cas, Antoine. Moi, je suis. Voilà, j'ai l'hygiène, c'est au moins une info. Oui, voilà, c'est bien, c'est important. Ah, bah, c'est ça qui s'entraîne. Et surtout, c'est bien parce qu'Antoine n'est pas. On rassure les fans d'Antoine. Mais il réparait sa douche. Antoine. Non. Il réparait sa douche. Sûr, il réapparaît sa douche. Antoine n'a pas glissé dans la douche non plus. C'est la même. Bon, bref. Oh là là, oh l'histoire de douche. Bon, Antoine, on va revenir à ta carrière un peu. Enfin, ta carrière un peu même, ta carrière musicale en tout cas qui nous importe. Tu vas nous interpréter dans quelques instants un titre en live. Je crois que c'est Il regarde le ciel. Ça tombe bien parce qu'on parle de 40 ans, on parle d'avenir. Et c'était extrait, c'est encore l'extrait de l'album Acrostiche. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi Acrostiche? Parce que c'est vrai qu'il y a des auditeurs qui découvrent l'émission plus ce soir en vidéo. Ils nous voient Antoine acheter. C'est qui ce petit bonhomme-là? Qui est fort sympathique. Et il va chanter bien, il chante bien, je vous le garantis. Parce que nous, on a vu le spectacle à Essay il y a plus d'un an. Et on a les albums, donc on peut prouver que ça en a. C'était formidable. Et il y a même un morceau que j'aime bien. Et il y a un morceau qu'on va passer dans un instant que j'adore. C'était Végétarien qu'on va écouter. Alors, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On l'a fait en boucle. Elle en avait ras le bol. Elle dit c'est bon, change-moi le disque. Oui, la dernière fois, je l'ai mis au moins 10 fois en boucle. Et elle en avait marre, force. Vite, t'as rien, en vrai, on fera pas la chanson. Tu vois, quand j'ai des moments que ça va pas, je le mets, ça me fait sourire. Ah, bah, c'est voilà. Bien, ça me fait des chansons, franchement, ça leur monte le moral. Le sourire, quoi. Des fois, il y a des choses qui font, ça qui ramènent des positifs. C'est chouette. Et c'est pour ça que je fais toujours le nécessaire pour que les gens puissent t'écouter ou acheter tes albums. En temps d'acheter, déjà. Du coup, j'ai pas répondu à ta question. Oui, c'est ça, parce que. Ah, oui, tu secousses. S'il vous plaît, alors, pourquoi Acrostiche? Pourquoi Acrostiche? Acrostiche, en fait, c'est un texte. C'est déjà un mot pas facile pour moi. Dont chaque lettre de. Enfin, chaque début de ligne, si vous prenez la première lettre, ça fait un mot. Et là, en fait, les 10 titres de l'album forment mon nom. C'est vrai. Et dedans, il y a une chanson, si on a le temps, qu'on passera aussi tout à l'heure, qui s'appelle Humilité. Il y en a une qui s'appelle Narcisse et moi. Donc, je questionne un peu ces questions-là. Il y a plein d'autres sujets, comme on va le voir un petit peu. Et oui. Et ce qui est bien, c'est que. La chanson, électropop, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'Antoine, quand il fait son concert, il part des lettres. C'est vrai qu'il a donc sa veste de scène. Mm-hmm. Et à chaque chanson, il colle sa lettre. Ouais, une lettre. C'était une idée de Isaac Harry, qui est un couturier créateur de Metz avec qui je travaille depuis le premier album. Mm-hmm. Et je lui avais parlé du concept de cet album-là, donc avec les lettres et tout. Bah, oui. Et j'ai dit, j'aimerais bien, un costume qui rappelle ça. Il a dit, pourquoi pas des lettres avec des scratchs, quoi. Aussi. Et j'ai dit, ça m'a paru super. Et t'as un musicien qui fait partie de Fadjet aussi. Qui est oui, on a Pierre Mercial qui joue avec nous sur scène, et puis aussi sur l'album, d'ailleurs. Pierre Mercial, Fadjet, qui était tout à l'heure en direct. Et il faut citer Antoine Bridet, du coup, le guitariste. Ah, bien sûr. Voilà. Et vous savez, ce qu'avait fait Antoine Yaquette dans son concert, donc il chante ses chansons à lui, c'est normal sur l'album, mais souvenez-vous, il avait fait ça. Oh la la la, vie en l'air. Vous voyez que ce qu'il dit, c'est approximatif. C'est par rapport au... On a compris. Par rapport aux anecdotes. On a compris. Et en plus, il connaît. Donc, ça, ah, oui. Non, c'est un hommage parce que, bon, on va pas passer sous champ complet, mais c'était parce que... Dans, bah, oui, c'est pour... vrai que je l'ai chanté l'an dernier, oui. Et c'était fait, non, sans blague à part, là, je déconne un peu sur Souchon, mais j'aime bien Souchon, mais ça avait été très bien fait avec Pierre Merceau, d'ailleurs, que Pierre, qu'on a pu voir et qu'on reverra d'ailleurs sur Fadjet, mais c'était très bien, c'était bien fait. Mais bon, c'était pas ton titre à toi, mais c'est pas grave, en tout cas. Non, bah, des fois, on fait des petites surprises, on reprend des chansons qui nous parlent. Mais c'est cadeau. Voilà. Tiens, bah, voici écouter un... Est-ce qu'on s'écoute un titre d'Antoine Lachelté? Ah, pas bah, volontiers. Tiens, vous êtes d'accord? Alors, on va s'écouter. Alors, ton don, tu connais peut-être pas Antoine Lachelté, mais écoute voir cette chanson-là. Si t'aimes bien, si t'aimes bien manger, bah, t'es peut-être pas végétarien, je sais pas, mais en tout cas, ça parle de nourriture. Tu vas rigoler, c'est obligé. Allez, écoute le texte, c'est franchement, on en rigole d'avance. Pour ceux qui sont inconnus, c'est bien. Ah, c'est parti, 21h27, on est bien sur Fadjet 94.10, Fadjet.net, en radio Fadjet officiel sur Facebook. C'est parti! Oh, je dois vous faire une petite révélation. Je ne mange plus, c'est clair. Aucune viande sans façon. Prise de conscience, aventure personnelle. Curiosité des sens, fin d'une vie plus belle. Ouais, en fait, tu manges plus rien, quoi. Végétarien, ni goût ni festin, tu nous ennuies avec tes radis. Laisse-nous bouffer un bon petit charret. Sous ma idéal, ça sert à que dalle. Mais je peux vous faire le détail de mon menu d'hier. Avocat, concombre en smoothie, puis samoussa au tahini. Snack et de soja, comté du Jura. Muffin en clôture, vous auriez aimé, c'est sûr. Ouais, enfin, les végétariens, ils ont tous des carences. Végétarien, t'es même pas malin. Tu nous prends le chou avec ton tofu. Laisse-nous nous faire un bon burger. Ça, c'est pour les forts, toi, va-t'en dehors. Mais je peux vous faire un excellent hamburger. Avec un steak, légumes fumés, sauce agave et relish sucré. Tomate et salade, entre deux tranches de pain. Fromage en surplus. C'est fort goûtu. Ouais, bon, tu sais, les carottes aussi, elles ont mal quand on les arrache. Végétarien, t'as même pas de copain. Franchement, t'es grave avec tes pétrades. Laisse-nous qu'on se mette 5 ou 6 côtelettes. La viande, c'est la vie, si t'as pas compris. Mais je peux vous faire vrétiller couteaux et cuillères. Cahier curry de haricots. Colombori, lait de coco. Champignons farcis. Marquise de Sarlat. Mocha chocolat, ah, je vous ai bien eu là. Ouais, enfin, on a quand même pas brouté de l'air. Végétarien, t'as même pas de boudin. Tu nous fascines avec tes racines. Est-ce nous qu'on graille nos pauvres folies? Nous les os polaires, on n'en a rien à faire. Mais je peux vous faire avaler vos pique-niques et la mer. Pour poire et truffes, une bonne tarte. Bazooka maquis pour l'éclat. Bourge au courbouillon. Patate en trognon, asperge flambée. Là, c'est sûr, il fallait déguster. Ils sont sagles, c'est végétarien. Végétarien, t'as même pas de requin. Tu nous les brises avec tes cerises. Laisse-nous qu'on se dort, ils se douce pieds forts. Nous, on aime trop ça, si va que toi, là. Végétarien, non, vraiment, t'as rien, non, t'as rien du tout. Tu manges rien, tu sers à rien, et tu sers à rien. Et bien, Antoine Achelté est l'invité de Mike dans La Musique dans le Temps sur Fadjet. C'est excellent. Hein. T'as coupé la fin. T'as coupé la fin. Bon, bah, vous avez fini avec vos salades, c'est ça la fin. Ah oui, mais si on a un timing, mon cher Antoine. Si on a, ah. J'ai ça, ouais. Bon, en tout cas, c'était un morceau. Mais qui franchement, est... je suis mort de rire à chaque fois, j'en ai mal les joues de rigoler. Non, c'est bien. Excellent. C'est excellent. Ah, et sur, tu peux te procurer pour ceux qui veulent pas, là, bah, ceux qui veulent, en tout cas, pour ceux qui veulent, procurez-vous. Je pas fouille bien. Il est fatigué, le Mike. Il est fatigué. Je n'arrête pas à 40. Oui, c'est un marathon. C'est un marathon. Alors, en tout cas, vous pouvez vous procurer donc sous les différents réseaux sociaux. Tu peux les rappeler, mon cher Antoine. Se procurer les chansons plutôt sur les plateformes. Oui, plateformes légales, franchement, PostPicade. Spotify, Deezer, Amazon, voilà. Etc. Exactement. Et après, pour les réseaux, oui, bah, je suis sur Instagram. Voilà. Vous voulez réserver Antoine pour une soirée, allez-y. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien. Vous voulez réserver une soirée. Vous allez sur mon site et il y a tout qui est expliqué. Par contre, il faut rien manger. Hein. Si vous voulez rentrer pour une soirée, il faut rien manger. Hein. Voilà. Et puis plutôt végétarien. Il faut prendre des forces, ça, quand même. Hein. Et puis plutôt végétarien, n'est pas sans huit, une feuille de salade, c'était bien. Oh, bien sûr, voilà, c'est ça. C'est ça, ça me fait. Alors, on va dire qu'on parle beaucoup d'enchaîne à acheter. Est-ce qu'il y en a qui veulent entendre chanter en vrai? Oui. Je veux chante. Ciel, oui. Me voilà piégé. Oui, il est piégé. Et en public? Il est piégé. Ah oui. Mais je ne peux pas résister à cette foule en délire. Bah non. Antoine. Et il y a du monde en bas. Ça tape des pieds, c'est pas. 21h32. Et ben, je vous propose d'écouter, d'entendre chanter Antoine avec le titre s'appelle Il regarde le sol. Est-ce que tu peux en dire un petit peu avant de faire le chant? Est-ce que c'est un titre que tu avais préparé comme ça? T'avais envie? C'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps. Que je sais pas, souvent on est entravé sur son chemin, mais on arrive toujours à retrouver un peu un espace de liberté. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si j'étais enfermé dans un puits et que je pouvais que voir le ciel? Et je me suis dit, je crois que là mon espace de liberté ce serait encore de regarder les nuages et je sais pas, de les faire parler, d'imaginer des choses avec. Bon, après voilà, je suis parti de cette idée là, puis c'est devenu un petit peu large pour être une métaphore. Mais t'as bien fait. L'environnement, après voilà, chacun je pense est libre d'interpréter. Le mieux c'est d'interpréter. Pascal, est-ce que tu as un commentaire? Est-ce que tu veux entendre chanter notre ami Antoine? Oui, j'aurais bien entendu chanter. Pascal, t'es pas obligé. Ne connaissons pas. C'est l'épreuve du feu. Voilà. Pascal, juste pour la radio, ce serait bien que tu te rapproches un peu du micro parce qu'on t'entend pas trop bien. Voilà, vous m'entendez un peu mieux. Un peu mieux. Oui, j'étais un peu loin, éloigné. Pascal, il voulait faire de la radio dans la rue. C'est la première fois que je fais de la radio. Mais c'est bien, mon Pascal. Je suis un peu perturbé. Mais oui, t'inquiète pas. Mais ça va passer. Tu vois bien, t'inquiète pas. Bon, on y va, Antoine Acheté, je te lance le truc et puis c'est parti. Avec Antoine Acheté, 21h33 sur Fadjet 94.2, Fadjet.net en DAB+, sur Radio Fadjet officiel, sur le Facebook officiel. Il y a beaucoup de temps. Un coucou de notre ami Jean-Yves, le boulanger pâtissier de la région Haute-Saône qui nous écoute. Quand on attend Antoine Acheté, il arrive, il est là. Regardez, vous l'avez oublié. La tafane qu'elle a. Eh oui, en plus, c'est. C'est trop de pression. Allez, c'est parti, Antoine Acheté. Je te lance au son, puis après, c'est de bonheur, c'est ton truc. Allez, c'est parti, c'est cadeau. Il regarde le ciel, il fait vivre les nuages, si éphémères, il en fait des amis fidèles. Tout au fond d'un puits, il est prisonnier, ne peut pas sortir, pas bouger. Il y a des murs de tous côtés, il voit le jour à travers la grille, seul espoir au-dessus de lui. Il lève les yeux et il sourit. Il regarde le ciel, il fait vivre les nuages, si éphémères, il en fait des amis fidèles. Il regarde le ciel et ne retient des orages que la lumière. Sa liberté est éternelle. Pourquoi il est là? Il ne sait pas, il a arrêté d'y penser, il a trouvé à exister. Il voit le jour un peu plus doux, s'échapper en vain, il s'en fout, prisonnier mais pas tant que nous. Regarde le ciel, il fait vivre les nuages, si éphémères, il en fait des amis fidèles. Il regarde le ciel et ne retient des orages que la lumière, sa liberté est éternelle. Bleu est le ciel, bleu est le ciel est comme ses yeux, il nous rassemble. Bleu est le ciel, bleu est le ciel. qui le veut. Il regarde le ciel, il fait vivre les nuages si éphémères. Il en fait des amis fidèles. Il regarde le ciel et ne retient des orages que la lumière. Sa liberté est c'est samedi soir, hein. Je ne peux pas passer à côté de ça, bien sûr. Franchement, il y a eu du monde, là. Et pourquoi plus derrière on est tout, il y a eu plein de monde, là, ça, la radio, c'est les 40 ans. Là, toi, t'as jamais chanté? Bah, si, t'as déjà chanté devant pas mal de monde, parce qu'on a chanté pour des 1000 personnes, il y avait des sales cons qui étaient dans Antoine HLT, et des gens qui demandaient leur t-shirt, bref, quel monde. En tout cas, merci Antoine, franchement, c'était super d'avoir fait ce choix. On la connaissait, du coup, cette chanson-là, mais de l'avoir, entendue en direct, dans des milliers d'auditeurs et de téléspectateurs, parce que grâce à la vidéo ce soir, c'est magnifique. J'ai eu pas de mots, j'ai bouche bée. Allez, on va l'écouter, hein. Que ce soit dans les concerts ou la radio Fadjet. C'est bien, puis, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en pensait, tonton Pascal? Bien. Magnifique. Il chante très bien déjà. C'est une bonne chose. Ça dit bien. Il chante très bien, puis les paroles sont bien. Ah bah voilà. Il n'y a pas de souci. La mélodie aussi. La mélodie est de Joss Gérard. Cette fois, c'est pas moi qui ai fait la mélodie. Ouais. C'était. Il a un studio Joss Singer à Champignol, c'est là que je vais. Mmh. Et puis, il y a un moment, je lui avais un peu demandé ce qu'il avait en réserve pour que je puisse m'en servir pour le prochain album. Et cette chanson m'avait vraiment fait de l'œil. Et puis, bah, voilà, on l'a travaillé ensemble. Oui, mais c'est sa mélodie. Fait. Et puis, je peux dire aussi que la trompette est de Damien Bestard. On était très contents. Bah, on n'oublie pas la trompette. Moi, j'aime bien cette chanson parce qu'il raconte une histoire. Que ce soit rigolote ou un peu triste, moi, je trouve que tes chansons racontent une histoire et c'est ça que j'aime bien. Eh ben, c'est bien. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait un sens, oui. Voilà. Parce que là, ça dépend de l'émotion qu'on veut faire passer. Parce que là, il chante, mais on sait pas c'est quoi, on comprend les paroles, mais on sait pas d'où provient, et là, ça raconte, ça raconte rien, quoi. Que moi, je trouve, depuis que je te connais. Bah, c'est bien. Et que j'écoute tes CD aussi, d'ailleurs. Bah oui, voilà. Un petit peu de pub, ça n'est pas de mal. Eh ben, je trouve, ça raconte une histoire. Eh ben, c'est beau. Eh ben, justement, on parlait d'histoire, tout à l'heure, tu parlais du morceau d'immunité. Tu peux peut-être nous en toucher un petit mot, ce qu'on va s'écouter dans un instant, mais là, c'est la version CD, donc on va se reposer tranquillement. D'accord. Parce que, voilà. Est-ce que tu peux nous parler d'humilité? Humilité. C'est dur. Si, non. C'est venu du fait que je trouve que souvent, on se prend beaucoup trop au sérieux. C'est mais pas moi. Je parle. Je parle de l'être humain individuel, mais aussi de l'être humain général. Du coup, là, j'ai fait deux couplets où il y a un parallèle entre quelqu'un de très présomptueux et puis l'espèce humaine qui, à un moment, a peut-être oublié dans quel cadre elle vivait. Voilà, une personne qui se prend plus haut que quelqu'un et puis ceux qui sont un peu plus bas. C'est ça, je pense, que tu voulais exprimer dans la chanson. Là. Elle parle bien, ma chérie. Et d'ailleurs, la petite chute à la fin, elle est. Plus serré, pas coupé. Voilà, si tu la coupes pas, elle est encore plus d'actualité maintenant. Oui. D'accord. Je trouve que ma chérie, elle s'embellit, elle participe à l'émission. Je suis. Comment dirais-je Oui, c'est vrai que là, à peu près. On va dire à peu près 3 ans en arrière, c'était juste bonjour, c'est tout. Voilà. Des fois, bonsoir, ça dépend. C'est déjà pas mal, bonjour et bonsoir, c'est le mot de Mais ça, c'est bien. Et maintenant, j'ai pris de l'assurance et puis rencontre pas parfait. Mal de gens. C'est une vraie chroniqueuse professionnelle. C'est ça, voilà. On s'écoute une minute, on y va à 21h41, on dit on sur la meilleure des radios. Et Happy Birthday Antoine Lachetier avec nous les studios jusqu'à 22h, on change rien. Après, c'est du mix, alors attention, ça carbure. C'est le platine sur l'air, c'est pas pour moi. Hein. Bon, quoique, après, peut-être. Je dirais. Surprise. Allez, c'est parti. Ciao. Antoine Lachelty jusqu'à 22h dans la musique d'antan spécial 40 ans. Happy Birthday, Fadjet. Ouh, on change rien, 94.2. Même sur Radio Fadjet officiel, sur Facebook. Tonton Pascal est avec nous. Le bouc est bien affûté, le casque est bien branché. Et voici la magnifique voix dans un instant. Ah, et c'est sympa, c'est ça le G-Rite, hein. On même sur l'intro. Voici Anton Lacheté qui arrive tranquillement avec humilité. Allez! Je suis un être supérieur. Je sais tout du bonheur. Je réussis tout. Je n'ai que des atouts. Si je vous croise, je vous fais sentir à tous les coups que je vaux mieux que vous. Sourire en coin, si vous êtes pas assez bien, regarde haut, car vous êtes pas au niveau. N'allez pas croire qu'on joue dans la même catégorie. Moi j'ai tout compris. Hey mon gars, un peu d'humilité, redescends donc sur terre. Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Eh ben on est toujours avec Antoine Lacheté avec humilité. Je t'ai pas coupé la chanson, t'as vu, hein? Hey. Hey, t'as vu, c'est professionnel, n'est-ce pas, hein? Incroyable. Ah, incroyable. 21h45, alors attention, les derniers quarts d'heure. Alors attention, les derniers quarts d'heure, je vais proposer un mix. J'ai dit qu'elle allait mixer, c'est vrai, je vais mixer dans quelques instants pour mettre dans l'ambiance, pour préparer l'émission d'après. Donc, il y aura des tubes, vous allez voir. Incontournable. Bon, c'est plus trop aux années 80, c'est 90 pour être précis avec vous. Écoute, je suis très content d'avoir reçu dans l'émission Antoine Lacheté. Si t'as encore des choses à dire, dis-le. Si t'as rien à dire, dis-le pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de faire un petit peu partie de ces 40 ans. Mais oui, c'est important. Et merci à Fadjet pour leur accueil depuis toutes ces années, puis pour tout ce travail formidable qui est fait. Bah oui, c'est ça, c'est après, important. Voilà. Bah oui. Ah, on te reverra encore. On t'invitera encore. Bien sûr. Sur notre émission pour d'autres, bien sûr. D'autres CD, d'autres chansons. Dans 40 ans? Bah peut-être. Bah, on sait pas, on verra bien. Moi peut-être pas, j'aurai 110. C'est possible. C'est pas possible. Oh non. Non. Je profite parce que je vous ai dit que j'ai les messages en direct. J'ai notre ami, alors, Gélan, qui est serveur donc, dans un restaurant non loin de Nancy, de Haïcourt, qu'on a pu manger avec lui, enfin, nous a servi à midi en tout cas. Et il nous écoute ce soir et je lui fais un coucou. Bah, il nous écoute d'ailleurs sur la radio Fadjet officielle, comme je lui ai dit, donc il a dit bah merci à toi Jalen de nous écouter. Voilà, bah je faisais un coucou, j'ai fait un coucou, il m'a dit je suis là, et ben bah, moi aussi ça tombe bien, on est tous là. Voilà, voilà. On est tous là. Voilà. D'ailleurs on fait coucou comme d'habitude. Un coucou à Jalen, il n'y a pas de souci. Voilà. Personnes qui nous écoutent. Tout, voilà. Tout le monde, on n'oubliera pas. Coucou à tous. On donne un petit coucou à nos amis de la Team Union comme d'habitude, du côté de Rennes l'Étape, du côté des Vosges, du côté de partout de Baccarat. Tiens, on nous écoute également ce Baccarat. On les écoute. Maman aussi, qu'elle a. Eh ben tiens, maman, elle va mieux. Là, c'est en Normandie. En Normandie. Du côté de Rosières également, on écoute. Bah, tonton, bah non, tonton, il est là. Tonton, il est là. Il s'est échappé de Rosières, mais il est revenu. Oui, il est revenu, Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors là, attention, parce que là, on va pas rire, on va passer dans le sérieux. Juste le temps de caler quelque chose, si ça peut bien y aller, parce que ça, c'est du direct. Hein. Vous avez vu que je prépare l'émission est préparée. Ah, c'est de l'authentique. Allez, c'est parti. C'est alors, vous êtes prêts? On va préparer à 21h47. Nous sommes à 13 minutes avant du mix de EDM. Matt, toute son équipe. Après minuit, il y aura le mix de notre ami Davy qui sera là toute la nuit. Bref, faites la fête, c'est les 40 ans. Et les 40 ans, souvenez-vous, ça faisait ceci. Allez, c'est parti, c'est l'ambiance, c'est samedi soir. On est bien sur la meilleure des radios, Fadjet 94.2, Fadjet.net. Avec la vache. Wouh! Mmh. Hey! Mike, mix dans la musique dans le temps sur Fadjet. Mike, mix dans la musique dans le temps sur Fadjet. think what Ah, c'est la folie ce soir dans les studios. Didi Gold de Silo avec blablabla. Bla bla. Oh là là, le tonton, il a craqué. Là. T'arrives à suivre, tonton, ça va? Oui, t'inquiète, je suis. Ah ben, ça va. Eh ben, il est bientôt temps de nous dire au revoir. Mais comme on se dit au revoir, on dit avant Happy Birthday. Fadjet, 4 décennies de voix partagées. Bah oui, et ça tombe bien parce qu'on va se dire au revoir, mais proprement. Alors les enfants, il y avait 21h54, ça passe encore vite une émission. Franchement, tonton Pascal, ça passe vite même avec toi. Hein. Oui, c'est normal. Je suis comme le Père Noël, on ne voit pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. Ça là. Je sais pas, ouais. On vous expliquera au rentre. Non, j'ai pas envie, on quitte pas. J'ai pas envie. Bah, t'as pas envie, effectivement. On reste là. Alors, dans un instant, il y a du mix. Ceux que je voulais dans l'ambiance, parce que tout à l'heure, vous avez vu les platines. Ceux qui sont dans la vidéo, c'est les platines remixées en direct. Avec Matt et tout le type, il y a eu Davy qui va amener la technique. Bref, c'est une folie. C'était juste une petite mise en bouche. N'est-ce pas, dans un instant, la 27e heure, bah, on finit la 26e heure. Merci Antoine Acheté d'être venu pour les 40 ans de la Fadjet. Merci pour l'invitation. Tu reviendras naturellement. De rien, toujours merci un plaisir. Bah oui, c'est bien, c'est bien. Tonton Pascal, ça t'a plu? Une merveille. Merveille, hein, Tonton Pascal. Oui. Bah, il est content. Impédable, je suis content. Mais il est content, il est content. Il est content, le Tonton Pascal. Ah, je suis content. Il est content. Il est content. Il est content. Il est content. Ma chérie, bon, elle est contente. Moi, c'est pas de me demander. Hein. Ah, bah alors. C'est sûr, je suis aux anges. Elle est aux anges. Hein. J'ai mon tonton, j'ai mon chéri. J'ai Antoine qui est devenu un ami. Donc, je suis aux anges. Là, je suis tu remarqueras que je passe en deuxième. Hein. Bon, c'est ça. C'est un peu normal. Je ne fais pas toute l'année que je bah souvent, oui, c'est ça. Ouais. Bah oui. Bon, alors, dans un instant, les 40 ans vont se poursuivre dans un instant. Donc, il y aura notre ami Matt qui va venir mixer en direct. Et après, bah, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, la musique continue en direct pour les 40 ans jusqu'à midi demain. Voilà. Nous, on se retrouvera, bah, comme la coutume, mercredi prochain de Standard, la musique dans le temps, 19h, 20h. Là, il n'y aura peut-être pas la vidéo, mais il y aura toujours le son, en tout cas, pour l'année 1963. Nous, on va aller se reposer un petit peu. On va continuer à faire la fête après les studios, parce qu'on va continuer à faire la fête entre nous. On est comme ça, on aime bien. C'est samedi soir, on a temps. On va se tâcher, on va aller boire un petit verre après, tranquillou, puis voilà. Hein, ça va être bien. Tonton Pascal. Tonton Pascal, il est toujours là au taquet. Il est toujours là. Le tonton. Bah, merci à tous, merci à toute l'équipe technique, voilà, donc ceux qui nous suivent, merci à tous les auteurs qui nous ont écoutés, qui ont laissé pas mal de messages. La suite de la programmation, c'est maintenant. Et comme on finit justement l'émission avec un jingle, avec un générique, c'est mieux, regardez. La musique dans le temps, 21h, 22h, spécial 40 ans Fadjet, animé par Mike avec la complicité de Alexandra. Invité Antoine Acheté et Monsieur Tonton Pascal. Allez, merci à toutes. Il est temps, hein. Franchement, il est temps. Il est en train de craquer, l'animateur est en train de craquer. Bah voilà, bah, quand on va rendre l'antenne, je sais pas qui repart. Attends. Du direct. Oui, dis-moi. Avant de rendre l'antenne, oui. On va fouiller tes poches que t'as pas pris un micro. Hein. Dis-moi. Parce que toi, dès qu'il y a un micro dans les mains, c'est foutu. Hein. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire que t'as un micro dans les mains? Ah oui, c'est bah foutu. Oui. Bon, bah, là, poches, alors là, je vais vous dire parce que je ne gère pas. Là, je gère la partie technique, mais franchement, d'habitude, je gère un peu le bon émission, je le gère. Mais là, comme c'est les 40 ans, donc je ne sais pas qui m'en prend, mais il y a peut-être personne qui m'en prend. Ça se trouve, ça se trouve, il y a que moi. Bon, en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, c'est moi, bah, c'est pas grave. T'es pas encore au lit. Ah non, c'est pas au lit. Ah, il est 22h dans quelques instants. On est un peu en avance. En plus, j'ai rendu longtemps avant. Ouais, c'est rare. Hein. Eh ben, on fait durer le pispan. Vous avez pas les mots à dire? C'est une petite dédicace. 21h58, tout va bien. Ah, il y a Davy. Non, Davy, c'est qui vient après? C'est Davy? C'est qui? C'est moi? Bon, ouais. Vous voyez que c'est en direct. Hein. Ouais, vous dis qu'on va y rester encore une heure de plus. Ouais, j'ai déjà fait 19h20, je peux faire 22h minuit. Moi, ça. Voilà, vous êtes parti. En plus, on est en très bonne compagnie. Il y a matière à faire. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, 21h58, moi je tiens le micro. Hein. Bon, alors, il y a des vidéos, il dit qu'est-ce qui se passe? Il est trop tôt, le jingle n'est pas passé, qu'est-ce qu'il me raconte des bêtises, voilà. C'est ça, moi j'aime bien l'improvisation. Bah Davy, c'est toi qui viens ou c'est moi? Non, c'est moi. C'est toi, c'est moi, on sait plus que l'on est. C'est ça le direct, hein? C'est toi, c'est moi qui enchaîne. Voilà, c'est vraiment moi qui enchaîne, hein, vraiment. Bon, écoutez, les amis, bah, je te remercie de vous avoir fait l'émission. C'est le direct, hein, pour ceux qui gardent la vidéo, c'est le bord de rire. Et on souhaite encore un joyeux anniversaire. Ah, Padgett, bien sûr. Ah oui. Bon anniversaire, Padgett, dans un instant temporaire. On se fait plaisir, et puis voilà, c'est tout comme ça. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.